3. De toutes ces conversations de la journée, il restait dans le souvenir d'Anatoli un peu de confusion. Plusieurs détails qui, d'abord, ne l'avaient pas touché, la troublaient. Ayant dîné toute seule, et non plus triste, mais plus désemparée, quand tomba le beau soir d'été, rouge aux vitres, vert et violet dans la vallée, elle craignait l'heure des lampes, l'ombre indéfinie du grand salon, la compagnie invisible de la morte, le repentir aussi et l'embarras de l'aimer et d'avoir peur d'elle. Anatoli se réfugia dans sa chambre, se coucha tôt et songea. Premièrement, elle se disait qu'elle avait vu maintes bonnes femmes et la tante Pauline, qui toute dans la vie la plus dénuée d'aventure et dans une vie pareille à la sienne, trouvait non leur plaisir, au moins leur quiétude et voire leur contentement. Ainsi, l'on pouvait demeurer là, s'y établir. On le pouvait, elle ne le pouvait pas. Et plus elle examinait les exigences d'un tel renoncement, plus elle les refusait. Deuxièmement, elle avait senti beaucoup plus chaud qu'elle ne l'eût imaginé l'affection de sa tante Pauline. L'affection, le dévouement, la bonté. Elle en était un peu émue, et puis elle en était un peu accablée. Sa tante Pauline l'accompagnant à Paris, Anatoli écartait avec maintes précautions cette éventualité. Enfin, la tante Pauline lui avait demandé ce qu'elle ferait à Paris. Elle avait répondu la vérité. Elle n'en savait rien. Il fallait bien l'avouer à elle-même. Elle désirait de quitter Castillac et les Deberville plus que d'aller à Paris. Et Paris était, pour elle, une autre ville, où ne résidait pas sa famille. Quant à deviner ce qu'elle y ferait, non. Et comment l'eût-elle deviné? Elle ne se proposait pas une activité plutôt qu'une autre, les œuvres ou le divertissement. Elle ne se pressait pas de choisir. Et même elle se gardait de limiter son libre choix par avance. L'incertitude ne lui déplaisait pas. En somme, elle se rendait compte que les prémices de sa volonté n'étaient pas solides. Mais sa volonté ne fléchissait pas, et prouvait mieux sa valeur à n'être pas soutenue par les étais d'un raisonnement. Anatoli aimait sa volonté. La seule difficulté, la dernière, n'était que d'attendre un mois encore. Anatoli attendrait. Tout son effort de raison sage, elle le consacrerait à éviter les maladresses. Elle aurait, dans un mois, ses 21 ans. Alors René, son tuteur, dirait n'importe quoi et événement. Elle serait d'ici là cachotière et maligne. Mais tout un mois a passé. Quel mois! Dans ce mois, une étape, le passage de Paulin venu de Paris et de l'aventure. Avant cela, une semaine a passé. Anatoli, ses idées rangées, s'endormit. Cette jeune fille, qui accorde à son ennui tant de zélée attention, n'allons-nous pas la gourmander, l'accuser de faire la renchérie? Que lui faut-il et de quoi se plaint-elle? Et nous les conduisons. Nous la renvoyons à être une jeune fille, comme les autres, à son piano, à ses charités, un peu d'aquarelle peut-être, ou la pensée d'un fiancé, ou le devoir modeste et quotidien. Au surplus, elle ne demande rien à personne. Puis elle est pathétique, si elle invente pour son usage tout le désir qui mène l'humanité. Ce désir, c'est le changement, à cause de l'ennui, l'immense et primordiale passion humaine, toujours criante, geignante et au secours de laquelle vont les philosophies ingénieuses, les arts magnifiques, les guerres, l'industrie des savants, des constructeurs et des poètes, la frénésie universelle. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de son marasme et des ruses qu'elle trouve pour s'en tirer, ruses souvent exquises ou absurdes ou admirables, et qu'on appelle le progrès, et qui ne sont que diversion. Or, il est de petites âmes qui sont comme les cellules les plus vivantes de l'âme générale. Anatoli connaît son ennui et cherche ses ruses.